بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات bienvenue aux chers frères et sœurs سنكمل اليوم أو في هذه الليلة ما تبقى من سورة الفجر إن شاء الله تعالى aujourd'hui إن شاء الله تعالى on va finir ce qui reste, et on va finir les versets restants de Sourate Al-Fajr. Et certes, on est parvenu à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, يَوْمَ إِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى. En ce jour, l'être humain se rappellera. En ce jour, l'être humain se rappellera. Mais comment est-ce que le rappel pourrait-il lui être profitable? Comment est-ce que le rappel pourrait-il lui être profitable? Yakulu ya laytani qaddamtu li hayati. Il dira, si seulement j'avais avancé de bonnes œuvres pour ma vie. فَيَوْمَ إِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Ce jour-là donc, nul ne saura châtier comme lui châtie. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Et nul ne saura garrotter comme lui garrotte. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, yawma idhin yatadhakkaru l'insan. En ce jour-là, l'être humain se rappellera. Aïe, yatadhakkaru ma kama bihi min al-amal. Wa yudhiru tawba. Wa qaboul al-haq. C'est-à-dire que ce jour-là, yawma al-qiyama, l'être humain se rappellera de ce qu'il a accompli sur terre. Et il montrera le repentir et le fait d'accepter la vérité. Wa anna lahu dhikra. Et comment est-ce que ce rappel pourrait-il lui être profitable? La yanfa'uhu kawnuhu yatadhakkar. Li'annahu qad fatahu waqtu dhikra. Le fait qu'il se rappelle ce jour-là ne lui sera pas profitable. Car le moment du rappel est terminé. Le moment du rappel est terminé. لأنه في هذه الحال قد رأى الحق وكل من رأى الحق وشاهده يقبله ويؤمن به لكن المطلوب من العباد الإيمان بالغيب. Car dans cette situation, cette personne, au jour de la résurrection, cette personne aura vu la vérité. Et toute personne qui voit la vérité comme cela, Yawm al-Qiyama, accepte cette vérité et y croit. Mais ce qui est demandé au serviteur, c'est de croire en l'invisible, de croire en l'raïb. Voilà la foi, la croyance qui est profitable. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Il dira, si seulement j'avais avancé de bonnes œuvres pour ma vie. Ta'ammalu ayyuha al-ikhwa. في هذا الكلام يسمي الإنسان حياته في الآخرة حياتي كأنه لم يحيا من قبل مع أنه كان حيا في الدنيا. Méditez, ô mes frères, sur cette parole. L'être humain, il appelle sa vie dans l'au-delà, il l'appelle ma vie. comme s'il n'était pas vivant avant cela, comme s'il n'avait pas vécu sur la terre, alors que il était bel et bien vivant sur terre, il était bel et bien vivant dans la dunya. وهذا يدلنا على أن هذه الحياة حياة الدنيا حقيرة. Et cela nous montre que cette vie d'ici-bas est méprisable. أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. الترمذي a cité dans son recueil selon Abi Hurairah radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la dunya est maudite. Ce qui est voulu ici par le terme mal'oun, Cheikh Ibn Baz il dit rahimahullah, c'est blâmable. Et donc la dunya est blâmable. Et ce qu'il contient, et ce qu'elle contient est blâmable, sauf le rappel d'Allah et ce qui s'ensuit. Et un savant ou un étudiant. ولكن الناس لا يفهمون يتعبون أنفسهم لهذه الدنيا ويتركون ما ينفعهم في الآخرة للحياة الأبدية. Cependant, les gens ne comprennent pas. Ils se fatiguent pour cette vie d'ici-bas et ils délaissent ce qui leur est profitable pour l'au-delà, la vie éternelle. أما هذه الدنيا فلا بد أن يموت الإنسان فلما نتعب فلما نتعب أنفسنا لأمر لا بد أن يفارقنا. En ce qui concerne cette vie d'ici-bas, alors il est obligatoire que nous goûtions tous à la mort. Alors pourquoi nous fatiguer pour quelque chose qui va inévitablement, que nous allons inévitablement nous en séparer? Pourquoi? Nous devons nous fatiguer pour la vie dans l'au-delà. يَوْمَ إِذٍ فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Alors en ce jour, nul ne pourra châtier comme lui, il châtie. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ. Et nul ne pourra garrotter comme lui, il le fait. وَفِي هَذِي الْآيَةِ كِرَاءَتَانِ. Il y a dans ce verset deux récitations. Le premier, c'est celui que j'ai récité. Et la signification, أي ليس هناك أحد يعذب أحدا بعذابه بل عذاب الله أشد. Et donc, il n'y a personne qui ait la capacité de châtier quiconque par le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Mais le châtiment d'Allah Azza wa Jal est toujours plus terrible et plus fort. والقراءة الثانية, la deuxième récitation. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Pas عذب, mais là c'est عذب. فلا يعذب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. En ce jour-là, personne ne sera châtié comme son châtiment. فليس هناك أحد يعذب بعذاب هذا الكافر بل له عذاب شديد للغاية. En ce jour-là, personne ne sera châtié comme ce mécréant sera châtié. Mais il aura certes un châtiment terrible. Wala yuthaku wathaqahu ahad. Et personne ne sera garrotté comme lui, il le sera. Likawni hadha al-kafir yurbatu bi salasil min nar. Parce que cet incroyant sera attaché, sera lié par des chaînes de feu. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Ya ayyatuha nafsul mutma'inna » « Oh, âme apaisée, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya » Reviens vers ton Seigneur. Reviens vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Et alors, rentre parmi mes serviteurs. Rentre dans mon paradis. قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله النفس المطمئنة يعني المؤمنة الآمنة لأنك لا تجد نفسا أطمن من نفس المؤمن أبدا. الشيخ ابن العثيمين رحمه الله il dit l'âme apaisée, c'est-à-dire l'âme croyante qui a la foi. Car tu ne trouveras pas une âme plus apaisée que celle du croyant. Tu ne trouveras pas une âme plus apaisée que celle du croyant. Al-mu'min nafsuhu tayyiba. Mutma'inna, le croyant, son âme est saine et apaisée. وَلِهَذَا تَعَجَّبَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ قَالَ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّا شَكَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Ensuite, il continue le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il dit, et c'est pour cela que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, fut surpris du croyant. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la situation, comme est surprenante la situation du croyant. Certes, la situation du croyant est toujours un bien. C'est toujours un bien. Si c'est un mal qui le touche, alors il endure, il patiente. Et c'est pour lui un bien. Et si c'est un bien qui le touche, alors il remercie. Et c'est pour lui un bien. Alors cette âme, elle est apaisée. فالمؤمن مطمئن راض بقضاء الله وقدره. Et donc il nous dit le Cheikh rahimahullah, donc le croyant il est apaisé, satisfait du décret d'Allah et de son destin. Fin de citation. Voilà comment nous devons être apaisés, satisfaits de ce que Allah Azza wa Jalla il nous donne. Et donc retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. اختلفت العلماء في هذه الآية في هذا الكلام هل يقال للمؤمن عند موته أو بعد ذلك أو الاثنين. Et donc les savants ils ont divergé, est-ce que cette parole elle va être dite au croyant au moment de sa mort? Reviens vers ton Seigneur, satisfait, agréé. Est-ce que cette parole sera dite, sera prononcée au croyant au moment de sa mort, ou alors, après la résurrection, ou alors les deux. Les savants, ils ont divergé sur cela. فهذه النفس راضية بما أثابها الله تعالى. Et donc cette âme est satisfaite de ce que Allah lui a accordé comme récompense. Mardiyatun. Et elle est agréée. Bisababi ma amilat biha. Ou bisababi ma amila bihi sahibuha fi dunya. Cette âme, elle est apaisée. Et cela est dû aux actes, aux agissements de son propriétaire dans la dunya. Donc, celui qui avait cette âme. Fadkhuli fi ibadi. Alors, rentre parmi mes serviteurs. Aïe, fi jumlati ibadi salihin. Rentre parmi mes serviteurs pieux. Fais partie de mes serviteurs pieux. وهذا يحثنا على الاكثار من العمل الصالح. Et cela nous pousse à augmenter l'accomplissement des bonnes actions. لنكون مع هؤلاء الصالحين. Afin que nous soyons avec ces gens-là, avec les pieux. ويحثنا كذلك على محبة الصالحين. Cela nous pousse aussi à aimer les pieux. لأن المرء يبعث يوم القيامة مع من أحب. Car l'individu au jour de la résurrection, il sera ressuscité avec celui qu'il aime. وادخلي جنتي. Et rentre dans mon paradis. أضافها الله تعالى إلى نفسه شرفا لها. Allah Ta'ala, il a donc cité ce paradis, il a donc fait le lien entre ce paradis et lui-même, a montré que ce paradis lui appartient, fi jannati, dans mon paradis, pour le distinguer, pour le valoriser. فنسألله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. Et donc nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous placer parmi ses serviteurs pieux, de nous placer parmi ceux à qui la réussite est accordée pour qu'ils accomplissent les actes qui permettent de rentrer au paradis. Allah est capable de toutes choses. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et la semaine prochaine on continue dans le tafsir. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.